peau porte une marque. Quand le doute entre dans les regards, le prêtre observe en silence. Entre l'ombre et l'espoir, cette journée mise à part, dans l'attente et la prière, entre la peur d'être rejeté et l'attente d'une lumière. Quand tout semble fragile, quand le cœur tremble en secret, tu ne détournes pas les yeux, tu veilles sur l'âme blessée. Protéger la vie. Mais si la peau redevient claire, si la guérison apparaît, alors la voix du prêtre s'élève. Tu es pur, tu peux rentrer. Tu fais la différence entre l'épreuve et la condamnation. Tu poses une limite à la souffrance. Tu ouvres un chemin. Personne n'entend là-haut. Tu fais de la mise à part un lieu de transfert.